on arrive en ville, c'est le Nevada. Faut viser plus haut qui fera 100 000, c'est nada. Et ouais, quand on arrive en ville, on sort des liasses. La mielle d'as, c'est mort, joue la paire d'as. American Airlines, Airlines, Airlines, joue la paire d'as. American Airlines, Airlines, Airlines, joue la paire d'as. Pas eu la pression jusqu'à qu'Anderson se transforme en Néo. Personne s'inquiète, c'est la caisse dans l'ombre et pas un Mandéo. Chez moi les choses, chez moi les vrais de vrais, on les pleure en photo. Chez qui je suis, chez surtout eux c'est qui. Pour les prendre de haut, on perd un proche d'une balle ou d'une maladie. Les murs me parlent de ce que t'as dit hier devant trois gadgets. Pas dans les fêtes dans la rue, nous, j'étais là tout seul. Les seuls c'est ça qu'on connaissait, elle démarrait à la boussole. J'ai du sang sur mon visage, sur mes poings, sur mes sapes. Elle se cache les yeux avec les mains quand on rentre méconnaissable. J'ai vu des soirées par eux, salope, j'en vois encore. Si tu vois mes gens commencer à boire vert, 7 heures, rente de bonheur, deux phalanges de traite dans un sac isotherme, deux rallonges de peine sur un mental dépôt, deux fois plus long, ouais, mais y'a pas les gendarmes, il faut un sac de fric pour adoucir, c'est la vie en amère, sort avec un gilet, quand violence opère, ambassadeur, moi de rien du tout, je tire la couette dans mon sens, ça me fait la mafia, ça tombe pour violence conjugale, sur du tout puissant, y'a plus d'âge, un adolescent, peut te faire un bain de sang, y'a plus d'âge, je parle comme j'ai envie, mon grand redescend, Guatemala, Suriname, Costa Rica, enterrement, y'a ceux qui sont tristes, y'a ceux qui ricanent, Vidouane, je peux tourner en ville, sans regarder derrière. Tous les 20 mètres, Vidouane, concurrent dans le rap, je l'ai pas vu naître. Et quand on arrive en ville, c'est le Nevada. Faut viser plus haut, qui fera 100 000, c'est nada. Et ouais, quand on arrive en ville, on sort des liasses. La mielle d'as, c'est mort, joue la paire d'as. American Airlines, Airlines, Airlines, joue la paire d'as. American Airlines, Airlines, Airlines, joue la paire d'as. J'ai les yeux noirs et vides comme un petit cigale. Devant le Ritzican, je reçois l'alerte. Bref, quand c'est la merde, on rappelle vite Zidane. Les gens qui perdent, je me lève dans le complot. Je crois que les bars la night, je surveille le Nasdaq et la tempe tout en Fahrenheit. Et ça se réchauffe, c'est pas l'Antarctique, c'est pas le Canadaise. Shooté devant le pic avant d'avoir eu le temps de dire paradise. Les cités noires, gros sont la grinta, guardia dans mon dos. Trou dans le bif, canine dans le salon, tout dans le ballon d'eau. Baril de brut, tension prise de lutte. Eh, je fais pas la bise, eh, je vise le but. Pas changé, je pourrais manger un fils de pute. Un coin du Bronx, survêt entrouvert, chaîne sur le maillot de corps. Je leur dois 5 ans, micro boîte. Tagant, siège et tableau de bord. C'est Drago Malfoy, Maricon. C'est la mafiosa, mais c'est mieux ça que ça te monte en l'air. Wingardium Leviosa, t'es mal à diète. Un os dans la siège, le songe et je le ronge. Mercenaire, pas sa fille d'affaires. Un verre et je replonge. Du sabotage, voilà ce qu'ils savent faire. Régner sur des cendres, si je garde l'otage sans faire descendre. Frère, il bouge pas jusqu'à descendre dans le sarcophage. En tenue de narco, barbe de magicien, qu'on fasse naufrage. Ils se rappelleront de nous comme les Égyptiens. Quand on arrive en ville, c'est le Nevada. Faut viser plus haut, qui fera 100 000, c'est nada. Et ouais, quand on arrive en